Bonjour à tous et à toutes, merci d'être arrivés à l'heure, là, parce que c'est rare, en général, on fait durer le quart d'heure plus longtemps. Donc aujourd'hui, on a, bon, c'est des personnes qui viennent pour la première fois aussi rare, après on peut discuter, je leur explique comment ça marche et tout ça. Donc on a le plaisir de recevoir Charles MacDonald, c'est la troisième fois qu'il vient nous rendre visite. Alors la première fois c'était en 2014, deuxième fois en 2018. Alors, Charles est anthropologue, ethnologue, il a vécu des années, si on cumule, en Asie, dans plusieurs endroits d'Asie, notamment aux Philippines, une île qui s'appelle Palawan, et donc c'est, je pense que c'est le principal sujet, enfin je ne veux pas dire que les gens sont ton principal sujet d'étude, mais tu as vécu avec eux, donc tu les connais bien, et donc la première fois que tu es venu, c'est tu avais fait une université populaire à Aix, et Philippe Pelletier, qui est géographe et anarchiste, nous avait donné tes coordonnées. Et à ce moment-là, bon, tu étais venu, tu avais écrit beaucoup d'articles, mais pas encore, peut-être des bouquins, peut-être pas encore, je sais pas. Et donc, en 2018, par contre, tu es venu nous présenter un bouquin qui s'appelle « L'ordre contre l'harmonie ». Et c'était intéressant parce que tu as... Bon, alors, l'idée, c'est de dire qu'il y a plein de sortes d'anarchisme dans les sociétés dites anciennes ou premières, je ne sais pas comment tu nous diras les termes qu'il faut employer. Et là, tu avais donné des exemples auxquels on ne penserait pas du tout, surtout chez nous, les Cosaques, les pirates, les Inuits, les hippies aussi. Tu avais trouvé des exemples assez marrants. Peut-être les raveurs, les toffeurs aussi, je ne sais plus si tu avais parlé des raveurs. Pas de... Voilà, donc, alors ce bouquin est paru chez Petra en 2018, on l'a plu. Par contre, là, l'année dernière, fin 2024, ouais, à peu près il y a un an, tu as sorti ce bouquin chez un éditeur belge qui s'appelle Academia et qui s'appelle L'autorité sans pouvoir. Et tu as, depuis, tu en as fait un nouveau, Chronique de la vie quotidienne à Palawan. Donc, tu reviens sur tes expériences chez les Palawan, je suppose. Écoute, je vais te laisser la parole et merci de ta venue encore une fois. Merci Philippe de m'avoir invité et merci à vous tous, toutes de venir. Écoutez, une présentation qui risque d'être un peu austère, je m'en expliquerai. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce bouquin, L'autorité sans le pouvoir, avec pour sous-titre Anthropologie critique, perspective libertaire. Autrement dit, une anthropologie qui est critique d'elle-même, qui travaille sur ses concepts, permet de dégager des perspectives sur l'anarchie et l'anarchisme. C'est du moins ce que j'ai prétendu montrer, partiellement en tout cas, dans ce bouquin. Alors ce bouquin, comme l'a dit Philippe, bien, est une séquelle du livre précédent, L'ordre contre l'harmonie. Mais L'ordre contre l'harmonie, c'était un exposé linéaire, si vous voulez, des chapitres, un vrai livre. Voilà. Puisque ça, c'est un recueil d'articles que j'ai écrit depuis 2008 jusqu'à récemment. Et tous ces articles reprennent toujours la même thèse que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. La thèse qui est sous-jacente à tous ces développements ou ces applications sur des faits ou des situations particulières. Alors, il a trois, je dis très rapidement, le pas, il a trois parties. On peut, comme ce sont des articles qui se suffisent à eux-mêmes, on n'est pas obligé de tout lire pour comprendre un article. On peut prendre un article et puis le lire, voilà. On n'a pas besoin de tout se taper tout le reste du bouquin. Il y a trois parties. Alors, c'est pas vraiment un rangement chronologique. Dans une première partie, je mets les articles qui sont plus théoriques, programmatiques, si vous voulez. Dans une seconde partie, je mets des articles qui concernent des faits phénomènes particuliers, comme par exemple l'amitié ou le sport spectacle de masse, dont j'estime qu'ils peuvent être justiciables de cette analyse que je vais vous expliquer. Et puis dans une troisième partie, des articles plus circonstanciels, plus moins académiques également, sur divers sujets, notamment les propos sur Louis Dumont, qui a été mon professeur, très important, et sur Bourdieu aussi, avec également un article que j'ai écrit pour le monde. Les universaux de l'anthropologie. Donc un article général. Et enfin, les valeurs morales de l'anarchisme et de la pensée libertaire du point de vue de l'anthropologie. L'anthropologie est la réflexion sur l'anarchie et l'anarchisme, sont au cœur de cet ouvrage et qui traite de différents sujets. Avant d'aller plus loin et de plonger plus avant dans le sujet, m'entendez ? Ça va, je parle assez fort, j'ai une voix très faible, en plus j'ai à la gorge. J'ai ce petit bouquin que j'ai écrit il y a très longtemps, très très longtemps, plus de 30 ans, et qui décrit la vie quotidienne d'une petite communauté, Palawan, justement, j'en ai souvent parlé dans mes sites, très souvent, parce que c'est évidemment ma référence principale, puisque j'ai passé très longtemps dans cette communauté autochtone du sud des Philippines, et ce sont des gens qui sont anarchiques, ils ne sont pas des anarchistes, ils n'ont pas de doctrine, ils sont des anarches, c'est-à-dire des gens qui vivent sans commandement, sans pouvoir, et qui sont en plus non violents, etc. Et donc j'ai pu constater, ça c'est le premier apport de l'anthropologie, enfin de l'ethnographie, ça c'est de l'ethnographie, c'est-à-dire la description de, et l'observation du comportement quotidien, de ce que les gens disent. Parce que l'ethnographie nourrit l'anthropologie, mais l'ethnographie est nourrie par quoi ? Parce que disent les gens. Voilà. 99% de l'information, c'est une information verbale. L'information visuelle est tout à fait secondaire. Elle est importante, elle est utile, mais secondaire par rapport. Donc, l'instrument de l'ethnologue, c'est l'enregistreur. C'est pas l'appareil de photo. Mais il y a aussi un appareil de photo, maintenant évidemment, ces caméras, on peut tout avoir d'un seul coup, c'est fantastique. La vidéo, la couleur, etc. Enfin bref, je ne vais pas parler de ce livre, c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui, mais je l'ai amené au cas où vous auriez la curiosité de regarder un peu ce qui sont ces gens et de quoi ils parlent, etc. Pourtant, c'est pas un groupe où j'ai résidé très longtemps. J'y ai été dans le cadre d'une enquête générale sur la religion. Ils présentaient justement des particularités dans leur culte qui étaient intéressantes pour moi. Alors, j'ai fait une thèse tout ça, sur les différentes formes de culte, de rites et de croyances qu'on trouve dans toute cette ethnie de 40 000 personnes environ, plus ou moins. Peut-être plus maintenant. Donc, le point de départ, si vous voulez, c'est que, pour moi en tout cas, c'est que l'anarchie est un fait. C'est pas une utopie. C'est quelque chose qui existe, que beaucoup de communautés comme celle-ci adoptent. C'est une façon de vivre, de créer du collectif, et ces petites communautés qui n'ont apparemment aucune espèce de structure sociale, pas d'institution qu'on puisse décrire, des collections d'individus, c'est l'horreur pour les sociologues, les collections d'individus, c'est un vrai cauchemar. Ben, ce sont des communautés qui perdurent d'une façon incroyable. Ils sont sans doute plus, les exigénaise, par exemple, plus persistant que certains états. Donc voilà, c'est comme l'herbe, carrière faible comme ça. Et l'autre point de départ, c'était que ces gens étaient comme ça, mais comment est-ce qu'on peut comprendre l'anarchie d'un point de vue sociologique, si vous voulez, anthropologique, car bien sûr l'anarchie n'est pas le désordre, c'est une autre forme d'ordre, comme disait Élisée Reclus. Mais quelle forme d'ordre exactement? Alors, ce qui est assez marrant pour un... Enfin, curieux, marrant n'est pas le terme, assez étonnant pour un anthropologue, c'est que l'anthropologie sociale, culturelle du XXe siècle s'est peu intéressée ou pas du tout à l'anarchie. Alors qu'elle avait sous les yeux des exemples de communautés anarchiques. Et des ethnographes de diverses nationalités sont partis en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, ont décrit très précisément ces communautés, et dans leur compte-rendu, leurs collègues ont dit « Mais attendez, on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre comment ces gens vivent, il faudrait une autre théorie pour les comprendre. » Et donc, là-bas, ok, on va essayer de faire une théorie qui permette d'expliquer comment l'anarchie, ça marche. Alors, pas partout, du tout. Lorsque je parle de communautés traditionnelles ou primitives, dites le mot primitif, bon, pré-moderne, je ne parle pas de toutes les communautés primitives. Pierre Clastre, qui était une exception dans le courant des études anthropologiques, qui lui a pris fait et cause pour l'anarchie et l'anarchisme, n'a pas été écouté véritablement, n'a pas fait école, en tout cas en France. Il a fallu des auteurs américains plus récents, Graeber, Scott, pour faire que cette idée d'une anthropologie de l'anarchie ou d'une anthropologie même anarchiste, je refuse le terme, comme Graeber, je ne suis pas un anthropologue anarchiste. Je peux être un anarchiste d'un côté et un anthropologue de l'autre. En tant qu'anthropologue, j'essaie d'être un scientifique et aucune science ne peut être fondée sur un modèle, comment dit-on, un modèle de ce qui doit être. Voilà. Tout ce qu'on étudie, c'est ce qui est. Voilà. Ça, c'est une distinction qui échappait beaucoup aux sciences sociales dans les 30 ou 40 dernières années. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que il fallait que je parle de quelque chose qui me permette de donner un sens. C'est donc ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Alors, encore une fois, je le fais avec une certaine hésitation parce que c'est un exercice abstrait, puisqu'il s'agit de concepts. Un concept, c'est abstrait, mais les concepts, c'est pas compliqué. Un concept, c'est tout simplement un mot qui a un sens précis. Voilà. C'est un mot de la langue qui, en général, a un sens extrêmement précis, auquel on donne un sens précis qu'on n'utilise que dans ce sens, et qui a un rapport logique avec d'autres mots qui ont un sens précis dans la langue, auxquels on donne un sens précis. Donc, ce dont je suis parti, c'est d'un modèle binaire, tout simplement, parce que c'est simple, et que je me confrontais à un problème que tous les scientifiques doivent aborder un jour ou l'autre, qui consiste à rassembler un immense nombre de faits et de données incomplètes en elles-mêmes. Les rassembler dans un ensemble conceptuel qui leur donne sens. Il faut que ces concepts aient une relation logique les uns avec les autres. Alors voilà, je suis parti de là parce que ça s'est imposé à moi. Ça s'est imposé à moi, voilà, ça c'est le point de départ de ma hypothèse, ma théorie. Théorie, hypothèse, c'est la même chose. Hein. Toute théorie est une hypothèse, toute hypothèse est une théorie. Donc mon hypothèse, c'est ça, c'est qu'il y a trois piliers de départ. Et je suis parti de là. Alors, égalité versus inégalité. Alors, les gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai étudié, c'était des gens chez qui il n'y avait pas de différence de statut. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'esclave, alors que beaucoup de sociétés de cette région qui sont dites primitives ont les esclaves, des strates sociales. Les sociétés du centre de Bornéo sont extrêmement stratifiées et pourtant tout à fait primitives en apparence. Donc je ne parle pas de ces sociétés, je parle de sociétés qui sont strictement égalitaires. Donc, égalité et égalité. Alors, la deuxième ligne, c'est quelque chose qui m'a paru très important parce que ça allait à l'encontre de la doxa en anthropologie, à savoir que c'était la réciprocité qui était en quelque sorte le lien social par excellence. C'est ce qui faisait marcher, c'est le contrat social par excellence. Qu'est-ce que c'est la réciprocité ? Était défini par Mauss, puis raffiné par d'autres auteurs, c'est l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Il faut donner et puis après il faut rendre. Donc. Tandis que le partage, c'est quelque chose qui échappe totalement à ce modèle. Exemple. Récemment, Thierry Lelay, qui écrivait son dernier bouquin, m'a fait parvenir cet exemple, m'a demandé ce que j'en pensais. Il a pêché cet exemple, je crois, chez Castres. Il y a un chasseur qui ramène un gros gibier, un pécari, je ne sais plus où, dans le village. Et il n'a pas le droit d'en manger. Ah, c'est bizarre ça. Alors, pourquoi ? Moi, chez les gens que j'ai étudiés, le chasseur fait la même chose. Il attrape dans ses pièges ou à la lance, tu as la lance, un sanglier, et le ramène dans le village. Il le donne à son beau-père. Le beau-père le partage entre toutes les personnes, toutes les familles du village, de la communauté. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que personne ne donne à personne. Parce que le chasseur, là, il est exactement comme le facteur qui met une boîte, qui met une lettre ou un colis dans votre boîte aux lettres. C'est pas le facteur ne vous donne pas le colis, il l'apporte. Et cela permet de créer de l'égalité. Car personne ne doit rien à personne, mais peut-être tout à tout le monde. En fait, le vrai donateur, c'est l'esprit extérieur au village. Et les Inuits ont exactement un ensemble de croyances du même ordre. L'ours s'est donné lui-même, s'est sacrifié. Et par le sacrifice de l'ours, qui n'est pas un membre de la communauté, tout le monde doit quelque chose à la nature, à l'esprit des animaux, comme vous voulez. Donc il n'y a pas à l'intérieur de la communauté d'asymétrie créée entre le preneur et le donneur. Car, et d'ailleurs, nous avons l'habitude de cela. Je reviendrai sur ces trucs. L'exemple que je donnais autrefois, tout le temps, c'est que dans les vieilles sociétés rurales, le maître de maison tenait la miche, en coupait des morceaux et tendait des morceaux à chaque convives, chaque personne qui était autour de la table, les valets de ferme, les parents, les enfants, etc. Et évidemment, ce don était symbolique de l'obligation qu'avaient les valets de ferme, les serviteurs, les parents, les enfants, de rendre des services au maître de maison, à la ferme. Mais nous, quand nous faisons un repas entre amis, On met le pain dans une panière et tout chacun se sert. Personne ne donne le pain à personne. Le pain est là et chacun prend. Ça, c'est le partage. Et la notion logique de partage, notion logique de réciprocité, sont absolument en contradiction, enfin opposées l'une à l'autre. Et ce qui est étonnant, c'est que peu d'anthropologues ont compris ça encore maintenant. Très très peu d'anthropologues. Et vous entendez des trucs à la radio, etc., sur la réciprocité, sur le don, etc. Et ils ne sont pas, ils n'ont pas encore compris. Pourtant, ça nous a été expliqué par un ethnologue britannique qui avait étudié les Hausa, Woodburn. Et Woodburn nous avait bien expliqué ça. Il nous avait dit le partage n'est pas la réciprocité. Donc, ça, c'est très important parce que le partage, c'est la relation entre les gens par les biens, savoir le gibier notamment, et qui crée une égalité absolue. Personne ne doit. Il n'y a pas de dette. Dans la réciprocité, il y a une dette. C'est ça le moteur de la réciprocité. C'est la dette, évidemment. Et les anthropologues ont bien montré que la dette était, pour beaucoup de ces gens, insupportable. Insupportable d'avoir une dette, de devoir quelque chose. Alors, la troisième ligne, c'est réseau corporation. Alors ça, c'était un truc qui m'avait vraiment, vraiment accroché au départ, parce que je me suis dit, bon, en fait, dans ces que ce soit les Inuits, les Palawans, les Semais, etc., ces collectifs, disons, ethniques, il peut y avoir des bandes, comme ça, mais il n'y a pas, d'institution qui fait qu'il y a des groupes qui se perpétuent dans le temps. Vous voyez, l'anthropologie sociale, avec Lévi-Strauss notamment, d'autres, il avait beaucoup insisté sur certains mécanismes présents dans les systèmes de parenté qui permettaient de faire exister des groupes d'une génération à l'autre. Donc c'est des clans, ou des lignées, ou des lignages, et ces clans, lignées ou lignages, étaient des corporations. Toute l'anthropologie britannique d'une certaine époque, des années 50 en tout cas, mettait l'accent sur la notion de corporation, et c'était une anthropologie finalement très, très calquée sur le droit. Mais c'était une anthropologie juridique. Et en français, on n'a pas véritablement de traduction immédiate de l'anglais, corporate group, mais on a la notion de personne morale. Alors ça, c'est aussi un truc qui me distrait beaucoup, n'est-ce pas, la personne morale. C'est une personne, mais pas physique, elle est morale. C'est quoi une personne morale? Ben, c'est une sorte de fée, peut-être, de divinité, tout cela, c'est abstrait. Qui est abstrait, mais qui donne une réalité juridique, économique, politique, à une entité. Qu'est-ce que c'est la corporation? La corporation, disait Henri Salmain, un de nos grands ancêtres, corporation ne meurt jamais. La corporation ne meurt jamais. Alors, là, j'étais avec des groupes de gens, et les Inuits, exactement la même chose. Vous observez la façon, ce qu'on appelait la morphologie sociale, la façon dont ils se réunissent en groupes, en bandes, ou en villages, ou en petites communautés résidentielles. Et puis un an après, c'est tout différent. C'est-à-dire que les gens sont partis, sont changés de lieu, d'autres sont arrivés, etc. etc. Ça change tout le temps. Et leur système de parenté ne permet pas de fixer des entités collectives comme le lignage ou le clan sur plusieurs générations. C'est pas possible. Donc nous voilà avec quelque chose de bizarre, c'est qu'il n'y a pas de groupe, en fait. Il n'y a pas de groupe fixe. Il n'y a pas de groupe solide qui reste là d'une génération à l'autre. C'est une sorte de mouvement brownien. Les gens, ils ne vont pas n'importe comment, n'importe où. Bien sûr, il y a des règles. Mais il y a une grande quantité d'options. Alors que dans une société à clan à lignage, il n'y a pas beaucoup d'options. Vous appartenez au clan de votre père ou de votre mère, et basta, vous ne pouvez pas choisir. Tandis que là, on peut choisir chez les parents de la mère, chez les parents du père, etc., etc. Il y a une énorme quantité de choix. Donc voilà cette fluidité de cette morphologie sociale liquide, on pourrait dire. Voilà, une morphologie sociale liquide. Et nous, on n'aime pas ça, on aime ce qui est dur, ce qui est, voilà, des boîtes, vous voyez, on met les gens dans les boîtes, et les boîtes dures, solides. Donc, difficile de comprendre. En fait, à partir de là, si vous voulez, j'ai réfléchi, j'ai essayé d'avancer. Alors, à un certain moment, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais il y a, si vous voulez, des structures logico-mathématiques qui permettent de comprendre ce que sont, si vous voulez, des relations de base, théoriquement. Et un anthropologue américain qui s'appelle Alan Page Fisker a proposé dans un livre et plusieurs articles qu'il y avait quatre modèles relationnels de base et qu'à partir de ces quatre modèles relationnels de base, on pouvait décrire, analyser et rendre compte d'à peu près toutes les formes d'organisation sociale. Ce qui est assez intéressant. Son bouquin est tombé un petit peu dans le vide parce qu'on ne s'intéressait plus au système à ce moment-là. Moi, je trouve qu'il est très, très intéressant. En fait, si vous voulez, vous avez entre l'égalité et la hiérarchie la différence qu'il y a, la différence logique qu'il y a entre une relation d'équivalence, une relation d'ordre et d'équivalence, A égale A, donc A égale B, et si B, A égale B, B égale A. Voilà. Dans la relation d'ordre, A est supérieur à B, B est supérieur à C, et donc A est supérieur à C. On est d'accord. C'est comme chez les militaires. Hein, le général est supérieur au colonel, qui est supérieur au capitaine, donc le général est supérieur au capitaine. Tout ça ordonne la société. Donc l'idée d'ordre et l'idée d'ordre social, c'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose. Dès qu'on sort de l'ordre, on tombe dans l'équivalence. Or, comment est-ce qu'on fabrique de la société avec de l'équivalence? Et puis après, avec la réciprocité, puis l'échange marchand, en suivant plus ou moins Fiske, on tombe dans des calculs beaucoup plus compliqués qui permettent de définir des relations entre sujets via les objets, c'est-à-dire de façon de répartir les choses. Bon. Égalité, équivalence. Le mot d'équivalence est meilleur que le mot égalité. Bon. Je vais vous donner une sorte d'illustration un peu bébête de cette chose qui paraît compliquée. Admettons cas d'école simplement que Pierre et Paul sont des randonneurs qui font une randonnée avec d'autres ou seuls, peu importe. Donc ils marchent, ils s'arrêtent pour le pique-nique, ils ont marché 2 heures. Pierre sort de son sac une tablette de chocolat et Paul une pomme. Or, Paul, qui est le détenteur de la pomme, a une envie terrible de chocolat. Et il demande à Pierre, est-ce que tu es d'accord de me passer ton chocolat, je te donne ma pomme. Bon. Alors, ça c'est le premier scénario. Pierre dit oui, pas de problème. Parce que, 1, Il se dit, Paul est mon ami depuis longtemps, il m'a aidé aussi à porter mon sac la dernière fois, ça lui fait plaisir, allez. Et puis deuxièmement, c'est, au point de vue alimentaire, la pomme c'est mieux que le chocolat. Hein. C'est moins grossir, il y a plus de vitamines, etc., etc. Donc là, l'échange se fait, vous voyez, c'est l'échange égal. Enfin, pensé comme égal par les partenaires, par les... Mais dans le deux, il y a un deuxième scénario et un troisième scénario. Le deuxième scénario, c'est que Paul, ayant demandé son chocolat à Pierre, Pierre est prêt ses sous et dit, se dit, bon, mon chocolat, il vaut 1 euro et sa pomme 50 centimes d'euros. Donc, il dit à Paul, écoute, tu me donnes ta pomme et 50 centimes. Comme ça, c'est égal, hein. 1 euro de... Et, mais il y a une troisième possibilité d'échange marchand, c'est que Pierre n'est pas seulement prêt de ses sous, mais c'est un fin commerçant. Il se dit, ah, mais je sais que mon ami Paul a terriblement envie d'un irrépressible de chocolat. Il ne peut pas en avoir comme ça, parce qu'il faut qu'il redescende dans la vallée, etc. Donc, non seulement, il va me donner 50 centimes, mais en plus, un intérêt. Parce que c'est moi qui ai acheté le chocolat, je l'ai apporté ici, il va me donner. Alors, il dit à Paul, il donne sa pomme, 70 centimes, pas 50, pas rien, 70 centimes. Alors, vous voyez comment le rapport entre les personnes a muté. Le rapport immanent entre personnes concrètes qui s'apprécient et qui jugent leur transaction d'un point de vue moral, et aussi qui jugent la transaction à partir de la qualité alimentaire des choses. Et on passe progressivement à un échange marchand qui est fondé sur le profit et où le rapport personnel entre les ceux qui font cette transaction disparaît complètement. Les sujets deviennent les sujets d'un monde capitaliste. Bah, c'est une façon peut-être simpliste, parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités de scénarios, diviser les choses d'une façon ou d'une autre. Mais entre l'échange direct, considéré comme équivalent, et l'échange marchand, il y a toute une transformation du rapport entre les personnes via les choses. Ensuite, cette simple petite tableau très élémentaire, on peut l'étirer par le bas, c'est-à-dire augmenter le nombre de lignes, si vous voulez, tout en conservant la cohérence logique. L'important, c'est de conserver la cohérence logique. On ne va pas rajouter des trucs, sortir de mon chapeau. Il faut que ça ait une cohérence logique. Donc, ici, je me suis dit, il faudrait que je parte des premiers principes, comme disent les philosophes. Les premiers principes. Qu'est-ce que c'est qu'il y a au départ de tout et qu'on peut considérer comme un axiome, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on ne peut pas vraiment démontrer, mais qui est là au départ. Or, le fait que les êtres humains vivent en groupe, ordre, communauté, collectif, nation, etc., etc., et jamais seul, est une donnée élémentaire, qui est un axiome. Car la vie collective est toujours là au départ. On n'a pas créé de la vie collective. La vie collective a été créée par l'évolution qui a façonné notre espèce pour être une espèce grégaire. Pas nécessairement sociale, grégaire. Une espèce grégaire qui a du mal à être sociale. Voilà ma philosophie profonde. Mais le but, c'est que ces gens qui sont ensemble, là, les uns sur les autres, ou les uns à côté des autres, ils passent quelque chose en sorte, c'est-à-dire qu'ils coopèrent. La coopération aussi n'a rien d'humain en soi. On la trouve à tous les niveaux de la vie. Il y a toujours de la coopération, partout. Et nous coopérons sans arrêt. Là, maintenant, on coopère. Puisque vous êtes d'accord que vous écoutez pendant que je parle. C'est peut-être une mauvaise question. Et puis après, vous posez des questions, je réponds, etc., etc. Donc, quand on marche dans la rue, quand on conduit une voiture, on coopère. On coopère, c'est-à-dire on suit des règles communes dans le but d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, de tirer un profit de quelque chose, peut-être, là, de ne pas avoir d'accident quand on conduit une voiture, par exemple. Donc, entre ces deux axiomes, de grégarisme et de coopération, de grégarité, grégarisme est un terme plus exact, il y a justement tout. Alors, je commence par utiliser le mot d'équivalence à la place du mot du terme liberté. Le mot liberté est finalement un concept assez philosophique, difficile à définir. Il y a beaucoup de définitions possibles de la liberté. Par exemple, la liberté, c'est dépendre de ce qu'on aime. La liberté, c'est de faire n'importe quoi, etc., etc. Enfin, je veux dire, le terme de liberté n'est pas un concept utile dans ma sociologie. C'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas un concept utile. Je dis, il faut faire des concepts, c'est-à-dire définir des termes. Et l'équivalence se pose à l'ordre. Alors, un autre aspect des choses, c'est que s'il y a de l'ordre, c'est-à-dire de la hiérarchie, il y a des gens qui donnent des ordres. S'ils donnent des ordres, me donnent des ordres que je dois, auxquels je dois obéir, je suis dans l'hétéronomie. Je ne me donne pas ma loi à moi-même. Elle m'est donnée par d'autres. Dans l'autonomie, je me donne ma loi à moi-même. Alors ça, c'est important par rapport à la coopération. Car être autonome ou hétéronome, c'est très très important du point de vue du résultat final. C'est-à-dire du fait que je participe volontairement ou pas volontairement. Par exemple, si je suis... on est en pris dans une armée, on me demande de marcher en rang, voilà, je suis dans l'hétéronomie, mais l'autonomie me permet justement de quitter le groupe. C'est ça l'importance de l'autonomie. L'autonomie, dans les groupes anarchiques dont je vous parle, c'est justement la possibilité constante de dire aux autres, ben écoutez, moi je vais ailleurs, je vais coopérer ailleurs. Je vais coopérer ailleurs, parce que si on va ailleurs, on coopère. De toute façon, on va coopérer, mais avec qui on coopère, ça c'est une autre paire de manches. Il faut coopérer, mais avec qui? Donc on a toujours des réseaux et vis-à-vis des corporations, et là apparaît un terme, un concept, qui est très utile, qui est un de ces concepts finalement assez simples, mais qui ont un pouvoir explicatif assez considérable. En sociologie, on parlait de liens faibles, à propos justement de liens entre personnes qui se connaissent de vue ou qui se rencontrent occasionnellement, etc. D'acquaintance comme ça, mais les liens forts, c'était entre les parents, les gens qui s'aiment très fort, les amis intimes, etc. Moi, je n'utilise pas cette définition. Vous voyez, je définis mes concepts. Un lien faible est caractérisé, un, par le fait qu'il n'est pas permanent, qu'il est rarement permanent, et qu'il n'est justiciable que de la volonté des gens qui entretiennent ce lien entre eux. Il est immanent. Lien fort, c'est les liens qui sont institutionnels, si vous voulez, qui dépendent d'une autorité tierce, transcendante, comme dans le mariage, hein, monsieur le curé ou monsieur le maire, consacre votre union sous l'égide de l'Église ou de l'État, l'autorité transcendante. Et vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes marié, enfin, traditionnellement, vous divorcer comme ça. Il fallait voir un juge. Il fallait de nouveau s'adresser à l'autorité tierce transcendante pour savoir si on avait la permission. Les gens qui s'aiment, petit ami, ne demandent pas la permission à l'Église ou à l'État. Ils sont dans une relation d'amour ou d'amitié forte pendant un certain temps. Et plus, l'amitié comme l'amour ne dure pas tout le temps. Il faut nous faire croire. Je ne sais pas si c'est encore supercherie de la pensée. Quelle pensée, la pensée de beaucoup de gens, d'intellectuels notamment. Savoir que l'amour et l'amitié sont des choses qui durent toujours. Alors que si nous regardons notre passé, en quelques secondes, on peut faire la somme de toutes les personnes qu'on connaissait bien, qui étaient nos meilleurs amis, nos bien-aimés, etc., etc., et qu'on a tout simplement perdu de vue. Ils ne sont plus là. Bon, on s'est disputé, ou ils sont partis, moi aussi, etc. Donc, on a tous, n'est-ce pas, cet énorme capital de liens faibles qui sont faibles, qui ont disparu. Alors que, sur le moment, bien sûr, ils étaient importants. Non, grands amis quand j'étais à l'école, ou plus tard, à l'université, etc. Je ne sais plus vu, t'as disparu, etc. Donc, il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes comme ça, avec qui j'avais des liens significatifs, importants, mais qui n'existent plus dans ma vie. C'est comme ça. Voilà. Quant à l'amour, évidemment, les plus optimistes pensent que ça dure 2 ans. Alors. Mais le truc des liens, c'est que c'est très important. Les liens faibles peuvent être très intenses. C'est pour ça que je n'utilise pas le sens que donne le sociologue en question. Ce sociologue, je ne le critique pas. Il avait fait une très bonne analyse, très astucieuse. Mais moi, si vous voulez, moi, j'ai recyclé son truc. Et ce qu'il y a de plus intéressant avec les liens faibles, c'est que, un, ils sont renouvelables. J'ai perdu des amis, mais je peux en refaire. Et ils sont surtout, alors ça c'est important sur le plan de l'évolution, au niveau de l'espèce. Je peux aller à Oulan-Bator demain, jamais vu les pieds, rester quelques semaines, et si je... les dispositions adéquates, tu peux faire des amis avec des gens avec qui je n'ai aucune parenté, dont je ne parle pas la langue, dont je ne partage pas la culture. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Alors, imaginez les chimpanzés, les grands singes, les anthropoïdes les plus proches de nous, ils étaient coincés dans un groupe de parenté. Il y a pas très mal chez les chimpanzés, pas mal chez les sarcopithèques, donc voilà, ils ne pouvaient pas aller ailleurs. S'ils allaient ailleurs, ils se faisaient bouffer. Si un chimpanzé va dans le groupe d'autres chimpanzés, il se fait manger. Il est mort. Tandis que nous, on peut faire ça au niveau de l'espèce. Alors, vous imaginez, c'est fantastique. D'abord, ça permet finalement de créer des réseaux à beaucoup, très très longs, très très très très longs. Donc finalement, une macro-société est possible à partir de là, et non pas une société centrée sur la consanguinité. Et d'autre part, ça permet aussi à l'homme voyager beaucoup, d'aller d'un endroit à un autre, et de pouvoir créer des liens, ou du moins d'être reçu avec bienveillance par d'autres gens qui n'avaient jamais vu. Donc ça a permis certainement, c'est cette capacité que nous avons à faire des amis, si vous voulez, pour dire les choses simplement, des compagnons, un peu partout dans le monde, à volonté, c'est tout de même un des facteurs les plus des hominiens les plus remarquables. Et enfin, j'introduis une distinction d'ordre philosophique entre l'immanence et la transcendance. La transcendance, pour moi, est quelque chose qui me permet de comprendre la société où je vis. Parce que dans la société où je vis, c'est les Français, les Américains, c'est complètement empreint de transcendance. Et d'un autre terme que j'ai un peu inventé, transcendantisme. Pas transcendantal. Il ne faut surtout pas confondre transcendantal et transcendant. Transcendant, c'est ce qui est après et au-dessus. Et transcendantal, c'est ce qui est avant la connaissance. Alors, le transcendant, c'est justement la corporation. Vous ne pouvez pas avoir de corporation. Par exemple, l'OM, c'est transcendant. C'est une corporation. Elle vivra toujours. Et on peut avoir une attitude sacrificielle à l'égard de l'OM, n'est-ce pas ? Se battre, lancer des cailloux sur les autres participants, les autres des d'autres corporations du type PSG, etc. Enfin, c'est ça la transcendance, la patrie. Et c'est tout, c'est les grandes corporations industrielles, mais c'est aussi les petites corporations que nous créons sans arrêt, avec un chef, avec de l'ordre et avec en général des biens, un territoire, un lieu, des frontières, des portes, etc. La boîtologie, la sociologie, c'est beaucoup une boîtologie, mais une boîtologie transcendante. Tandis que ces rapports d'amitié qui sont un peu le sel de notre vie, des rapports directs de personne à personne, sont strictement immanents. Ils sont dans le présent, dans l'ici et maintenant, dans la perception que j'ai de l'autre, dans son idiosyncrasie, c'est-à-dire sa singularité. Et on voit très bien que le racisme est quelque chose de transcendant, puisqu'on rapporte la singularité d'une personne à la généralité d'un groupe. Donc, là, je fais juste une petite pause pour vous dire que nous, enfin, moi, qui vivons ici dans une société comme la nôtre, qui est fondée sur l'inégalité, c'est-à-dire sur la hiérarchie. Voilà, notre société est fondée sur la hiérarchie. Nous avons un pied dans la hiérarchie, dans la transcendance, et un pied dans quelque chose d'anarchique, de plus profondément anarchique. Et les rapports que nous avons avec nos proches, notamment notre vie privée, qui n'est pas susceptible d'être ordonnée par des rangs. La famille c'est une chose très complexe. En fait, la famille, il faut la comprendre comme l'addition des liens binaires entre membres de la famille, et non pas comme l'adhésion d'une personne au concept général de la famille, tel qu'il est mis en avant par des idéologies réactionnaires, grand famille, travail, la famille, c'est d'abord des individus avec qui nous sommes en relation particulière. Donc l'immanence, c'était vraiment... Et c'est pour ça que je dis que d'une façon générale, nous sommes un petit peu schizoïdes, parce qu'on vit dans les deux sphères, la sphère de la hiérarchie, la sphère de l'équivalence et de l'autonomie, et que les pouvoirs publics, le président, les membres de partis, etc., essayent de vous faire croire que c'est la même chose. Ils essayent de vous faire croire que la France, c'est une communauté. Que c'est une communauté. Donc quelque chose d'immanent alors que c'est absolument pas immanent. La France, c'est quelque chose d'abstrait, c'est un concept qui est extrêmement difficile à définir précisément. Alors, j'avais mis tout ça sous une forme un petit peu plus littéraire, enfin plus. Voilà, je sais pas. Donc, dans un premier temps, les gens qui vivent en état d'anarchie basent leur activité, leur comportement sur des maximes simples. Les sujets sont des personnes concrètes et singulières, si vous voulez, en relation d'équivalence entre elles, dans un rapport d'immanence. Leur action obéit à l'entraide, au mutualisme et au partage. Alors, leur comportement est altruiste mais reste d'intérêt personnel. On parle beaucoup d'individualisme. Là encore, ce n'est pas un concept que j'utilise. Car on confond, à mon avis, ou en tout cas moi je ne veux pas confondre, l'individualisme avec l'égoïsme, c'est-à-dire l'action d'intérêt personnel. Et en fait, dans pratiquement toutes nos actions, nous avons à la fois une part d'intérêt altruiste et une part d'intérêt personnel. La société véritablement individualiste est une société faite de sujets strictement égoïstes, c'est-à-dire une société impossible. C'est impossible. On ne peut pas non plus faire une société avec des sujets totalement altruistes. C'est pas possible, c'est pas réaliste, c'est pas possible. On a donc tous, et même logiquement, abouti à l'absence de société. C'est l'absence de société. Donc, dans le cas des anarches, si vous voulez, le coefficient d'égoïsme est réduit. Donc, la distribution des choses mais au partage, les liens sont faibles, négociables, et doivent respecter certaines conditions comme la déférence, l'amitié ou une neutralité bienveillante. Il n'y a pas de pouvoir. Alors, il n'y a pas de pouvoir, mais il y a de la déférence. Alors ça, c'est aussi un des aspects de la théorie qui est très important et qui est paradoxal. Lorsque j'ai fait l'analyse des comportements des gens, là, dans le cas des Palawans, hein, il y a toujours, entre une personne et une autre, une certaine, disons, inégalité morale, qui n'est pas, qui ne ressortit pas au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner des ordres et les autres sont obligés d'obéir. Non, jamais, jamais. Mais c'est tout de même plus pratique, pense-t-il, d'avoir une légère asymétrie entre les gens. Alors l'asymétrie du Palawan, elle est créée par la génération, l'âge, mais surtout la génération, surtout par un certain type de rapport de parenté, et enfin, et de façon tout à fait marginale, par le genre ou le sexe, homme-femme. Donc, deux personnes vont se rencontrer et ne se connaissent pas. Je vais assister à ce genre de rencontre. Je marchais avec un compagnon d'une communauté dans la montagne avec qui j'avais été, qui m'avait accompagné en ville. On marchait sur la route et puis la nuit est tombée, on n'était pas arrivé à destination, donc on a demandé l'hospitalité à une personne également de la même, du même groupe ethnique ethno-linguistique, le même groupe Palawan. Et alors ce qui s'est passé, c'est que ces deux personnes, mon compagnon d'une part et notre hôte d'autre part, ne se connaissaient pas. Alors, ils ont entrepris de se situer l'un par rapport à l'autre. Alors, mon voyant dit, non, l'autre a dit, ben tu viens d'où, etc. Alors, ben, je viens d'un tel endroit dans la montagne. Ah, ouais. Ben, écoute, je connais quelqu'un là-bas, c'est mon oncle. C'est mon oncle, un tel, c'est mon oncle. Ah, dit mon compagnon, c'est ton oncle, mais je le connais aussi. T'es mon cousin. Alors, si il est de la même génération que cette personne et que l'autre est le neveu, donc la génération inférieure, l'autre est en quelque sorte inférieur à mon compagnon l'invité. Vous voyez, il y a une différence de génération putative, complètement. On ne sait pas à quel degré de parenté exactement on est oncle, cousin. Mais il suffit que l'un dise un tel est mon cousin et que l'autre dise un tel, le même un tel est mon oncle, se crée une relation. Alors à ce moment-là, l'autre dit ah mais tu es mon aîné, tu es mon aîné, je te dois le respect. Et mon compagnon dit bah, pas du tout, tu es beaucoup plus âgé, tu sais beaucoup plus de choses que moi, non, c'est toi mon aîné, etc. Donc ils vont faire assaut de politesse, jusqu'à ce que finalement, bon, ils se situent plus ou moins en tant que cousins éloignés l'un de l'autre, avec une très très légère asymétrie en fait. C'est comme ça que la relation se forge, si vous voulez, et devient en quelque sorte sociologiquement présentable, utilisable. Alors, au contraire, bien sûr, les sociétés dans lesquelles nous vivons sont basées sur la supposition que les sujets sont des agents abstraits ontologiques. Nous sommes des agents abstraits, nous ne sommes pas définis par notre idiosyncrasie, mais par notre numéro de sécurité sociale, carte d'identité, passeport, etc., etc. On est désigné, si vous voulez, des abstraits. On est abstrait ontologiquement. Et on appartient à des entités fictives et transcendantes. Les sujets sont hiérarchisés, donc mis en ordre, du plus bas au plus haut, vice-versa. L'action est principalement en fonction d'un intérêt égoïste, mais le coefficient d'altruisme peut rester présent, reste présent. La distribution des choses obéit au principe de réciprocité. Les liens entre sujets pensés comme abstraits sont forts, c'est-à-dire pensés comme permanents et sanctifiés par une autorité transcendante. Le pouvoir est une dimension essentielle de la vie collective. Mais vous voulez, là nous avons bien l'expression du fait qu'on a affaire à deux mondes différents. Deux univers de relations et de pensées qui s'opposent complètement. Alors, on peut encore, si vous voulez, mais comme je parlais depuis une heure, et que c'est assez pour vous et pour moi, je vais plutôt avoir des questions. Mais, je veux dire qu'on peut continuer à enrichir cette matrice. Alors, ça est matrice épistémique, structure, modèle, machin, comme vous voulez. Mais c'est un ensemble de concepts qui gardent des relations logiques fortes entre eux, et les mêmes, vous voyez. Donc, dans un dualisme qui peut être tempéré par des solutions intermédiaires, comme je vous le disais à l'instant, des liens asymétriques faibles qui donnent ce concept d'autorité, de déférence, autorité qui n'est pas le commandement, et déférence qui n'est pas la soumission. Hein. Donc c'est très différent. Là aussi, lorsqu'on utilise des mots de la langue, il faut les définir. Autorité et autoritaire sont utilisés de façon très laxiste. Donc si on veut faire des choses qui ont un sens précis, il faut... Voilà. Et de même pour la guerre, alors là, c'est aussi la dernière ligne est intéressante. J'ai passé pas mal de temps à essayer de réfléchir à ça. Il y a trois, si vous voulez, situations différentes. Les conflits individuels et à l'opposé la guerre, c'est-à-dire collectif, organisé, et au milieu quelque chose qui est plus ou moins organisé, qui est la vendetta, qui est aussi propriété de beaucoup de civilisations archaïques, ou dont l'archaïsme demeure encore dans la modernité, la vendetta. Les figues, c'est les groupes d'intérêts fraternels. Donc ça, ce sont, si vous voulez, des formes de conflits violents qui sont différents complètement, qui s'opposent complètement, mais qui rentrent dans cette classification générale en fonction des mêmes critères et des mêmes dimensions. Facteurs et dimensions. Bon, écoutez, c'est vrai que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est très abstrait et ça peut vous paraître arbitraire. J'ai essayé tout de même de montrer que les concepts que j'ai utilisés venaient d'une observation, pas simplement les miennes, mais celles que j'ai l'année dans les lectures, l'étude des observations des autres ethnologues, entre autres, pas seulement. Et je pense que, en faisant cela, j'ai réfléchi pas simplement à l'anarchie. J'ai réfléchi à la chose collective, de façon générale. Comment expliquer que les gens arrivent à vivre ensemble. Finalement, c'était ça ma question. Enfin, parce qu'ils n'arrivent pas tellement. Hein. On n'arrive pas tellement à bien vivre ensemble. C'est très, très, très, très difficile de vivre ensemble. Bon, les anarches, ils y arrivent, plus ou moins. Pas forcément d'une façon extraordinaire, mais ils y arrivent. Et nous, on a fait semblant d'y arriver, mais ça ne marche pas très souvent. Donc, finalement, je suis toujours de l'opinion qu'on est des êtres grégaires, pas vraiment faits pour être sociaux. Voilà. Des religions qui voient tout le vivant comme faisant partie d'un tout et chaque être vivant égal. Enfin, comment ils voient les choses à ce niveau-là, autre que les religions monothéistes qui nous saoulent bien, oui. Enfin, qui moi me saoulent bien en tout cas. On peut les qualifier le terme d'animisme, un terme passe-partout, pas très, très loin. Donc c'est des animistes, ils pensent que beaucoup de choses, pas tout, des âmes, il pense notamment que c'est difficile de dire que c'est une croyance religieuse, c'est une croyance, c'est tout. Il pense que chaque personne, c'est ce qu'on, l'idéologie qu'on trouve dans toute cette région, l'Asie du Sud-Est insulaire, que des âmes multiples, et que chaque personne a plusieurs âmes. Alors, combien? 2, 3, 7, souvent 7, souvent 4. Et que certaines de ces âmes se matérialisent sous forme d'insectes ou d'animaux. Donc finalement, en tant que personne, j'ai des âmes papillons, j'ai des âmes poux, alors les poux, c'est une âme, et puis je peux avoir une âme buffle. Enfin. Donc là, si vous voulez, l'être humain est pensé comme faisant partie du tissu des choses vivantes, des êtres vivants. Il n'est pas il n'est pas séparé, il est dépendant. Et cette théorie permet de justifier certaines pratiques chamaniques de guérison, parce que évidemment ces âmes peuvent être capturées, par exemple une âme poulet qui est capturée par un mauvais génie ou un démon, et à ce moment-là je dois faire un échange avec un vrai poulet, etc. Donc voilà. Non, mais est-ce que c'est religieux? Je ne sais pas si c'est religieux. À mon avis, ces gens-là n'ont pas de religion. Ils n'ont pas de religion, ils ont des croyances, ils ont des rituels, ils ont des représentations, mais il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'église. Les communautés, justement dans la région que j'ai décrite là, les communautés de culte sont minuscules. C'est 2-3 familles, c'est tout. Et puis, vous allez dans un autre hameau où il y a 2-3 familles également qui font un culte qui ressemble, mais à des divinités tout à fait différentes. Ils ne croient absolument pas aux divinités des premiers. Et les premiers ne croient absolument pas aux divinités des grands. Mais ça n'entraîne pas d'inimitié entre eux. Si vous voulez. Chacun fait son truc, chacun a une porte dérobé vers l'invisible, si vous voulez, à chacun. Voilà. Donc là aussi, la représentation religieuse reflète des morphologies sociales. Comment se gèrent les conflits dans ce type de société, ou plus généralement dans les sociétés à agrégation? Comment se gèrent les conflits dans les sociétés plus généralement à agrégation faible? Alors, dans les sociétés à agrégation faible, vous avez ou vous n'avez pas un système de règlement juridique des conflits. Enfin, une sorte de, alors, ils ont ils ont beaucoup emprunté aux populations musulmanes et malaises, hindous-malaises, les concepts du droit. Par exemple, ils disent Sharia, ils disent Hukum, le juge, etc. Et donc ça, c'est des mots arabes. Mais ils avaient, traditionnellement, j'en suis sûr, un système de règlement des conflits qui passait par des palabres. Alors, ils adorent ça, d'ailleurs. C'est que quand il y a une plainte, par exemple vol de poulet ou adultère, à ce moment-là, tout le monde intervient en disant ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Et puis après, quand on a passé tout le monde, on recommence. Donc chacun recommence à dire la même chose. Il sature, une espèce de saturation de l'affaire par le discours, la répétition du discours. Et finalement, il y a tout de même un juge qui est respecté, qui a un statut très élevé dans la société, partout, mais tout de même quelqu'un qui a l'habitude de parler bien et qui connaît la jurisprudence, qui se rappelle de la façon dont on a réglé les conflits avant, etc., du même type, et à ce moment-là, il peut imposer une amende. L'amende est payée. Mais si tu veux, c'est pas tellement une justice punitive. C'est pas une justice punitive. C'est une justice restaurative. Il s'agit de rapprocher les gens. Ça, ils sont. Alors maintenant, on va faire que les frères et les sœurs se parlent, se disputent plus, vivent ensemble, ok? Je répète ça, vous voyez? C'est une justice de réparation des liens entre les personnes, faire en sorte que justement les conflits ne durent pas. Mais bon, parfois ils durent, hein, parfois ils durent, il y a tout de même des rancunes qui peuvent persister. Alors, les Semaïs de Malaisie, etc., sont des gens qui sont absolument non violents, il n'y a pas de violence. Ils se sont battus, ils détestent la violence, ils préfèrent la fuite au combat, ce qui n'est pas bête. Et donc, tout se passe dans la parole. Le conflit, mais on craint justement, la parole est là pour éviter que la violence physique n'apparaisse. Donc on a peur de la possibilité que la violence physique fasse irruption dans, dans le groupe. Oui, ça c'est vraiment très important. Vicky ? Il y a quelqu'un. C'était la question que j'avais posée. Avancement. Michel. Au début de votre intervention, vous avez opposé le partage et la réciprocité. Oui. Alors qu'il me semble que s'il y a partage, il faut nécessairement qu'il y ait un autre partage après. C'est une réciprocité, on peut l'appeler autrement peut-être. Alors, mais c'est valable si les autres aussi partagent. Oui. Tout à fait. Le partage suppose d'autres partages, mais peut supposer aussi des dons. Alors, lorsqu'on étudie l'ethnographie de la distribution, de la répartition des biens, comme par exemple celle de la viande, qui est vraiment la chose importante, on se rend compte qu'il y a d'abord une première phase de partage pur. Chacun reçoit une part en fonction d'une règle préétablie, non pas en fonction de ce que ces gens-là sont, ou ce qu'ils ont fait, ou ce que préfère le distributeur, s'il y en a un. Ensuite, quand on a reçu sa part, on peut en donner une partie à quelqu'un d'autre. Donc, c'est suivi d'un don. Et là, il y a réciprocité. Et puis, il y a encore une troisième phase dans laquelle la viande est cuite et ensuite mangée en commun. Donc là aussi, on a une sorte de partage de la nourriture cuite. Donc vous avez toute une série d'actions. Et les gens pour qui le partage est la relation morale importante sont des gens qui savent et qui savent acheter, vendre, prêter, même intérêt, etc. etc. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a du partage qu'il n'y a pas les autres modalités de la réciprocité. Les gens font tout. Mais ce qui est important, c'est que dans ces type de collectif, de communauté, c'est le partage qui est la règle morale de base, qui est le contrat moral de base. À côté du partage, il y a toutes les autres formes de redistribution, prêt à long terme, à court terme, emprunt, etc., etc. Alors, il y a de la propriété. La question suivante, c'est la propriété. Alors, il y a de la propriété, parce que comme disait Proudhon, la propriété, c'est la liberté. Et il a dit la propriété, c'est le vol, mais il a dit la propriété, c'est la liberté. Donc, il y a de la propriété, mais pas beaucoup. C'est ça le fin mot de l'histoire. J'en parlais avec un ami, anarchiste. Il faut la propriété, mais il en faut. Mais pas trop. C'est quoi trop? Qu'est-ce que c'est que trop? Juste, il faut de la propriété pour que les gens puissent avoir de quoi survivre. Donc il y a de la propriété. L'idée d'une société sans propriété est absurde. Il faut de la propriété. Mais pas trop. Alors, comment on va décider quand trop c'est trop, assez c'est assez, pas assez c'est pas assez. C'est là qu'il y a une discussion interminable qui peut prendre place. Par rapport à l'absence de violence, j'aimerais savoir quel est le statut des femmes dans cette société-là. Ah ben écoutez, elle est très statut, à mon avis, équivalent aux hommes. À celui des hommes. Je peux en donner de nombreux exemples. La femme, lorsqu'il se marie, n'est en aucune façon obligée d'obéir à son époux, en aucune façon. Elle n'a pas à recevoir d'ordre de son époux, elle est très autonome. mais à l'intérieur, si vous voulez, de répartition des tâches traditionnelles. Okay. Patriarcale. Hein? Patriarcale. Non, non, c'est pas du tout patriarcal. Parce que là, quand vous dites patriarcal, vous dites hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est absolument pas patriarcal. C'est le contraire de patriarcal. Je me rappelle toujours de cette petite jeune fille, où elle avait 20 ans, et elle était mariée, mais elle voulait se séparer de son mari. Et dans une grande maison, il y avait une discussion à ce sujet, de sa séparation. Elle faisait face à un aréopage d'anciens, juges de droit coutumier, chamans, qui lui disaient « mais tu peux pas quitter ton mari comme ça, non ça va pas, et tu peux pas faire ça ». Et alors c'est comme si elle avait dit « you watch me ». Alors elle est partie, elle dit, ben, je vais le quitter, voilà, elle est partie. Elle a fait face à cette... C'est incroyable. Bah. Et cette petite jeune femme délicate, là, c'était... Et qui disait, ben non, vous ne voulez pas croire, mais je vais le quitter, c'est tout. Et alors, ils se regardaient consternés, parce que on dit, on ne peut pas forcer les gens. Les femmes ne doivent pas être forcées, les hommes ne doivent pas être forcés à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Si elle veut quitter son mari, on ne peut rien faire. On peut lui dire, essayer de le persuader que ce n'est pas une bonne idée, parce que ses enfants, qui va les nourrir, comment, blablabla. Mais, donc, si vous voulez, il y a une autonomie très, très, très, très forte des femmes, et des enfants aussi. Et des enfants. Est-ce que ça se fait beaucoup par leur propre découverte de ce qu'il y a autour d'eux? Est-ce qu'on leur propose de découvrir des choses à faire, à fabriquer, etc.? Comment ils sont éduqués? Oui, c'est par incitation, si vous voulez, c'est par incitation. Bon, on dit au boss, oh, mais ce serait formidable que tu ailles me chercher là. Ils remplissent ce bambou creux à l'aiguade, ils me ramènent de l'eau, ah ouais, bravo, il est content, tout ça. Et s'il veut pas, il dit je veux pas. Alors il dit si, il faut y aller, c'est bien. S'il veut pas, il veut pas. Je veux dire, c'est incroyable, c'est magique. Hein. Il y a un mot qui est mandé, je veux pas. Et ça, c'est comme s'il fermait une porte. Double tour. On peut pas transgresser cette volonté de ne pas faire quelque chose. On ne peut pas. Même les grands. Alors on peut essayer de persuader les enfants, de les inciter. Le seul cas récent où j'ai vu un enfant qui pleurait parce que son père l'a grondé très fortement, la punition physique, c'est de lui donner des petits coups de baguette sur les mollets. Et l'enfant était désespéré, il criait, etc., parce qu'il s'était battu avec ses petits copains. Et ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que les enfants se battent. Il ne faut pas se battre avec ses petits copains. Ce n'est pas possible. Et là, on gronde. Donc, il y a parfois des petites sanctions qui sont appliquées aux enfants sur certains points où alors, on ne fait pas de... discute pas sur le principe. Oui. Comment ces sociétés, au fil du temps, ont-elles évolué pour adopter ce type d'organisation sociale? Vous pouvez répéter la question. Comment ces sociétés, elles, ont évolué au fil du temps pour arriver à ce type d'organisation sociale? Alors, bah, c'est un mystère, parce que moi, je n'ai pas d'archives, mais je pense qu'elles sont restées très statiques. Oui. Mais elles ont subi des influences importantes, notamment des groupes musulmans qui sont venus, donc avec des idéologies indo-malaises, etc. Et une partie de ces populations se sont réfugiées, si vous voulez, dans les montagnes et sont restées étonnamment traditionnelles, très traditionnelles. Elles ont conservé un patrimoine littéraire très très important. Donc, il y a eu une expérience très longue de ce type d'organisation. Je pense que c'est une forme d'organisation assez justement primaire. C'est des formes d'organisation élémentaires qui existent. C'est de former des groupes comme ça qui sont en eux-mêmes instables, très instables, avec beaucoup d'autonomie individuelle ou par famille, parce que les gens vivent en famille, parents, enfants, et avec donc une, je n'en ai pas parlé, c'est même un principe moral, il y a un terme dans la langue pour ça, merci, et ce principe moral, c'est, qu'on peut traduire par empathie, sympathie, pitié, et capacité surtout à agir généreusement avec ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est très très important. Ça, c'est la vertu cardinale. C'est le principe moral le plus important. Et ils en parlent sans arrêt. Voilà. Ce peuple, les Palawan ou d'autres, résistent aux États dont ils font partie. Alors, est-ce qu'il y a des collecteurs d'impôts? Est-ce qu'on vient chercher les gosses pour les foutre à l'école, etc. Il y a à la fois une résistance. Alors la résistance originale pour la plupart de ces groupes, c'était de se réfugier dans des endroits où on ne pouvait pas vraiment les atteindre. C'était très difficile. Très difficile d'accès, pas impossible, mais difficile d'accès. Et puis ils se cachaient beaucoup. Ils se cachaient. Alors il y a des groupes dans cette région qui se réfugient dans. Ils sont semi-troglodytes. Ils se réfugient dans des grottes pour se cacher. Parce que leur. Et c'est pas seulement à Palawan, mais dans toute la région, ce type de société était. Utilisé comme réservoir de main-d'œuvre servile. C'est-à-dire qu'il y avait des chasseurs d'esclaves, des professionnels, hein, qui allaient attraper les gens dans les collines, les montagnes, etc., les forêts, et les vendaient sur le marché européen, surtout au XVIIIe siècle. Ils ont pratiquement dépeuplé des régions entières. Donc c'était un vrai trafic, un vrai business qui avait une ampleur considérable. Donc ces gens, que ce soit en Malaisie, à Mindoro, Palawan, Mindanao, c'était des gens qui se cachaient et qui s'enfuyaient à l'approche d'un étranger parce qu'ils avaient peur justement d'être mis en esclavage. Et leur stratégie, c'était encore une fois la fuite. Et une de ces populations, justement, disait, il est absolument inhumain d'être en colère, mais il est humain d'avoir peur. Donc, il y avait des gens qui disaient, voilà, il faut avoir peur, il faut s'enfuir. Il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas être en colère comme les autres. Et donc, c'était une stratégie. Maintenant, elle n'est plus tellement possible. Il y a maintenant des entreprises minières, forestières, etc., qui investissent le terrain. L'État philippin, évidemment, commençait à faire des recensements, à créer des écoles, à amener les autochtones, les enfants autochtones, dans ces écoles. Donc il y a un niveau d'alphabétisation qui commence à être assez élevé, même déjà, et évidemment de bilinguisme, puisqu'ils parlent maintenant la langue véhiculaire de la région. Et ils abandonnent leur vernaculaire progressivement. Donc il y a, et puis alors il y a les missions aussi qui jouent un rôle important, notamment des missions américaines, évangéliques qui s'installent, alors avec un déploiement de moyens matériels incroyables, des pistes d'hélicoptères, etc., etc. Et des hôpitaux, enfin, et alors ils menaient leur aide, notamment médicale, aux populations autochtones contre des conversions. Et puis ils essaiment aussi, ils créent des... Ils forment des pasteurs, des petits prédicateurs chez les autochtones qui continuent après le départ des missionnaires américains ou australiens. Ce sont ces prédicateurs autochtones qui prennent la relève. Donc il y a ça qui joue important, qui est très important. Dans ce petit bouquin, j'ai décrit une société où il n'y avait pas de missionnaires. Là, maintenant, plus personne, je l'ai visité il n'y a pas longtemps, plus personne n'accomplit les rituels d'autrefois. Ils sont tous évangélisés à fond. Tous. Et évidemment, les évangéliques ne supportent pas les rituels qui impliquent nécessairement la consommation de bière de riz, de vin d'alcool. Donc, cette chose interdite, etc. Donc, une grosse partie de leur vie traditionnelle disparaît comme ça. Puis, il y a aussi les changements technologiques. La culture du riz irrigué prend de l'ampleur. Et si vous avez du riz irrigué, vous avez deux récoltes par an, peut-être même trois. Or, tout le cycle rituel était fondé sur une seule récolte par an qui avait lieu en août-septembre, et des rituels après des prémices qui étaient importants à ce moment-là. Donc, même ces rituels n'ont plus aucun sens, puisque on récolte du riz tout le temps pendant à différentes périodes de l'année. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a le fait que le contact avec une population immigrée de d'autres parties de l'archipel devient plus intense, plus fréquente, avec justement l'habitude de parler une langue qui n'est pas la leur. Ça ne les empêche pas d'être bilingues. Le palawan n'est pas une langue qui est oubliée encore, mais qui est encore parlée par les gens, mais de moins en moins. Ils sont sédentaires, cultivateurs ? Alors, ils sont semi-sédentaires, c'est-à-dire qu'ils déplacent leur culture, et éventuellement leur maison aussi, mais sur des périodes assez longues, et à l'intérieur des territoires circonscrits. Alors, vous avez différents types d'agriculture survolue, itinérante. L'agriculture itinérante devient un type d'agriculture itinérante où les gens allaient tout droit devant eux et défrichaient la forêt au fur et à mesure de leur progrès. Et puis là, ce sont des gens qui laissent leur culture en jachère pendant 3-4 ans et après reviennent, entre 4 et 8 ans, sur leur champ d'il y a 8 ans et recommencent à le cultiver. C'est une forme d'agriculture itinérante. Donc, ils sont entre le sédentaire et le nomade, mais ils ne sont pas vraiment nomades. Non. Et vous parliez de patrimoine littéraire. Oui. Oui, parce qu'ils ont d'abord plusieurs genres littéraires, mais il y en a très important, c'est les épopées. Ils ont des aèdes, des bardes, qui connaissent ces épopées très bien et qui les chantent des nuits entières. Des histoires de héros, d'aventures épiques qui se passent sur les mers, dans les airs, etc. Enfin, tout ça. Donc, toute la région, y compris d'ailleurs toutes les populations du Sud-Vietnam où j'ai travaillé, de toute cette partie de l'Asie du Sud-Est insulaire, ailleurs, c'est les épopées. C'est pas des textes écrits, c'est des récits. C'est des récits. Qui sont en fond commun, mais qui sont improvisés par. C'est des récits qui sont en partie appris, il y a des formules, et puis il y a des personnages, et puis il y a des épisodes qui doivent être récités, en fait. C'est des gens qui en quelque sorte, peuvent, pour les aèdes, avoir en mémoire la totalité de l'Iliade et de l'Odyssée en tête. Mais évidemment, il y a une sorte de versification qui est là. Et de l'improvisation aussi, Aed ayant sa formulation particulière de tel épisode, ou sa caractérisation de tel personnage, sa fourmi de personnages, c'est incroyablement compliqué. Et Et ça, c'était leur cinéma. C'était absolument leur cinéma. Leur théâtre, leur cinéma. C'était les épopées. Ils s'écrivent ? Il y a des écritures ? Alors, c'était pas écrit, c'était appris. C'était une littérature orale. On s'efforce de la transcrire, de l'écrire, etc. Est-ce que ce que décrivait James Scott là, dans Zolia, c'est un monde qui est en voie de disparition ou qui est encore vivant ? C'est un monde encore vivant. J'avais la question, cette opposition entre les peuples qui cultivent le riz, ou c'est des formes étatiques, et puis ceux qui cultivent plutôt les patates, les tubercules. Quoi. Oui, c'est vrai, oui, non, c'est encore vivant, c'est encore tout à fait vivant. Parce que d'après lui, ça touchait des dizaines de milliers de gens, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Non, c'est encore vivant, il n'y a pas longtemps, j'allais dans les montagnes, et j'en récitais les épopées, de longues veillées, etc. Donc c'était quelque chose qui était encore très vivant. Et puis leur mode de vie était encore plus ou moins intact dans les montagnes. Mais dans les plaines, il y a eu plusieurs types d'acculturations qui se sont faites avec des immigrants musulmans de l'île avoisinante, avec des syncrétismes intéressants qui n'avaient pas été d'exploitation violente, etc. C'était très pacifique tout ça. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on peut continuer à discuter autour d'un verre. Donc, merci Charles pour cet exposé. Bonne continuation.